السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، بفضل الله تبارك وتعالى، par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on s'est réunis en ce jour afin de s'entraider et de s'encourager mutuellement à la vérité et à l'endurance. Et certes, parmi les sujets les plus importants et les quêtes les plus essentielles, il y a le savoir, il y a la science. Car certes, la place de la science en islam est grandiose et sa mention dans le Coran et la Sunna très abondante et récurrente. Allah subhanahu wa ta'ala a donné une grande valeur et une grande élévation aux savants de l'islam, puis à ceux qui ont pris leur savoir et les ont suivis avec excellence. Il les a élevés dans les hauts degrés, les a singularisés et leur a donné une place qu'il n'a pas donnée aux ignorants. Il nous dit dans Suratul Mujadila: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont le savoir dans les hauts degrés. Et ceux qui ont le savoir dans les hauts degrés. Donc la personne de science est élevée au-dessus des autres. Celui qui sait n'est pas semblable à celui qui ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Az-Zumar nous dit: Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Dans sourate Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Dis, est-ce que celui qui sait, ou plutôt sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les gens doués d'intelligence se rappellent. Seuls les gens doués d'intelligence se rappellent. Et dans Suratul Mulk, أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dans Suratul Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que celui qui a la science et celui qui ne l'a pas ne sont pas égaux, ne sont pas égaux. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, celui qui marche sur le visage est-il plus guidé que celui qui marche sur la droiture, sur le chemin droit? Ou comme il nous dit subhanahu wa ta'ala, Et dans sourate Ar-Ra'd, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Est-ce que celui qui sait que ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur est la vérité, est-il lui semblable à celui qui est aveugle? Donc Allah Azza wa Jal va accorder particularité et élévation aux gens de science. Et très nombreux sont les textes qui nous montrent la grande valeur des gens de science. Allah tabaraka wa ta'ala, dans son noble Qur'an, nous dit dans surat Ali Imran, « Shahid Allahu annahu la ilaha illahu, wal malaikat wa ulul ilm, qa'iman bil qist, la ilaha illahu al azizul hakim. » Dans ce noble verset, Allah subhanahu wa ta'ala vante les mérites des gens de science et nous montre leur grande valeur. Allah atteste, et aussi les anges et les gens doués de science, qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée à part lui. Le mainteneur de la justice, point de divinité digne d'être adorée à part lui, le puissant, le sage. Dans ce verset, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'Allah a accordé une spécificité immense aux savants du fait qu'il les a joints au témoignage de son unicité, au témoignage des anges. Au témoignage des anges. Aussi, il y a dans ce verset que la science la plus noble est la science du tawhid, la science de la ilaha illallah, car Allah Azza wa Jal a attesté de cela pour lui-même, puis a fait attester ses serviteurs les plus proches, les plus particuliers. Et le témoignage ne peut être fait si ce n'est avec science et certitude. Si ce n'est avec science et certitude. Donc, on vante ici le mérite des gens de science, comme l'a dit Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala également. Et ceux qui détiennent le savoir, nous avons l'obligation de revenir à eux pour les interroger. Dans sourate An-Nahl, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi, si ce n'est des hommes qui ont reçu la révélation. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Demandez donc aux gens du rappel, aux gens de science, si vous ne savez pas. La science est la chose la plus noble. C'est pour cela que concernant ce bas monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de la part de son Seigneur de ne pas envier ses adeptes. Mais c'est plutôt vers le savoir, la science et la connaissance qu'il lui demande d'invoquer pour accroître cela et augmenter sa science. Dans sourate Taha, Allah Azza wa Jal nous dit فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. On n'a pas demandé au prophète alayhi salatu wassalam de demander l'augmentation d'une chose, si ce n'est la science, si ce n'est la connaissance. Que soit exalté Allah, le vrai souverain, ne te hâte pas dans le Coran, dans sa récitation, avant que ne te soit achevée sa révélation, et dis, ô mon Seigneur, accrois, augmente mes connaissances. Et le fait de rechercher la science est une sunna ancienne qu'on a trouvée chez les prophètes et messagers, qu'on a trouvée chez les compagnons, qu'on a trouvée chez tabi'in, atba'u tabi'in, jusqu'à notre époque. Dans Sourate Al-Kahf, Allah Azza wa Jal nous dit: قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى عليه السلام, le grand prophète de Banu Israël, rencontre une personne qui a une connaissance que lui n'a pas. Il voyage à sa recherche. Il fait tout pour le rencontrer. Puis il se montre des plus humbles avec lui en lui disant: puis-je te suivre à la condition ou bien afin que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction. Moussa alayhi salam demande la science. Moussa alayhi salam recherche la science. Voici la sunna à emprunter, la sunna à observer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vanté ses faveurs sur les meilleurs de ses serviteurs du fait qu'il leur a octroyé la science et le savoir. Dans Sourate An-Naml, il nous dit: وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Nous avons certes accordé à Daoud et Souleyman une science. Tous deux dirent: toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a préférés sur bon nombre de ses serviteurs croyants. La science est un grand bienfait. Et le bienfait doit être reconnu et le bienfaiteur loué et remercié. Pareillement dans Surat Al-Qasas, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Donc la science qu'Allah Azza wa Jal accorde est mentionnée telle une faveur dans le Coran. Et la science, Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran que seuls comprennent les paraboles, seuls comprennent les grandes figures de style, les savants. Seul comprend le Coran les savants. Seul embrasse de leur savoir ce qui est bénéfique, utile dans ce bas monde et l'au-delà, les savants. Puis ceux qui suivent leur voie et s'abreuvent de leur puits. Allah Azza wa Jal nous dit: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Voici les paraboles qu'on mentionne aux gens, mais ne les comprennent que les savants. Que les savants. Toujours dans Sourate Al-Ankabut: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Ce sont plutôt des versets explicite dans la poitrine de ceux à qui nous avons accordé la science. De ceux à qui nous avons accordé la science. Donc, il y a ici un mérite évident pour les savants. Également, dans Sourate Fatir, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que ceux qui ont réellement la crainte d'Allah, la crainte révérentielle, sont les savants. Il nous dit dans son noble livre: إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Les seuls à véritablement craindre Allah sont les savants. Les seuls à véritablement craindre Allah sont les savants. Certes, Allah est puissant et pardonneur. Certes, Allah est puissant et pardonneur. Allah Azzawajal a envoyé le prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam ala fatratin min ar-rusul, après une longue interruption d'envoi de prophètes et messagers. Wa fi jahiliyatin jahla, et dans une époque où l'ignorance avait atteint son paroxysme. À une époque, comme le disent les compagnons, où les gens ne voyaient pas de religion meilleure que l'adoration des fausses divinités. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal avait détesté la majeure partie des gens de la terre, si ce n'est une minorité parmi ceux qui avaient suivi leur prophète. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a voulu le bien pour ses serviteurs, tout en ne laissant aucune excuse aux autres, il leur a envoyé l'homme au cœur le plus pur, l'homme le plus saint, le plus pieux, la meilleure de ses créatures, le prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Avec quoi l'a-t-il envoyé pour mettre de la lumière sur ce bas monde qui avait été parsemé de ténèbres, de l'ignorance, du polythéisme, de l'injustice et de la transgression? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre: وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. C'est lui qui a envoyé à des gens sans livre un messager issu des leurs, qui leur récite ses versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Dans un égarement évident. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour réformer ce peuple, est donc venu avec quoi? Avec la science, avec le livre, avec la sagesse. Seule la science peut apporter la lumière. Seule la science peut réformer le tout, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala, avec la permission et l'assistance d'Allah le Seigneur des mondes. Et la première chose qui a retenti dans l'oreille du prophète alayhi salatu wassalam de la révélation de son Seigneur par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam fut Iqra, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Voici les premiers versets qui ont été révélés sur Muhammad ibn Abdillah, le serviteur d'Allah, qui devint par cette révélation le prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tous ces textes nous montrent quoi? Tous ces textes nous montrent l'importance de la science, l'importance de la connaissance. Et tout comme le Coran nous encourage à la science, nous appelle au savoir, on trouve également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière abondante des récits prophétiques nous encourageant à la connaissance, nous encourageant à la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Muawiyah ibn Abi Sufyan radiallahu anhuma, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله رواه البخاري. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: celui à qui Allah veut un bien, il l'instruit dans la religion. Il l'instruit dans la religion. Moi, je partage seulement, et c'est Allah qui donne. Et il ne cessera d'avoir une partie de ma communauté sur l'ordre d'Allah. Ne leur nuira en rien ceux qui les contredisent jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive. On voit dans ce hadith le mérite de la science et l'encouragement à sa recherche. Car c'est un signe qu'Allah a voulu le bien du serviteur. Si ton cœur penche vers la science, si ton cœur penche vers l'amour des gens de science, et que tu fais les causes pour acquérir cette science, c'est un signe qu'Allah a voulu ton bien et t'a aimé. C'est un signe qu'Allah a voulu ton bien et t'a aimé. Dans un autre hadith, selon Abu Darda radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة وان الملائكة لا تضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء هم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ابن ماجه رحمه الله تعالى nous mentionne ce hadith rempli de mérite et d'encouragement à la science. En effet, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque emprunte un chemin à la recherche d'une science, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et certes, les anges abaissent leurs ailes en signe d'agrément sur l'étudiant en science. Et certes, l'étudiant en science, celui qui demande la science, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre invoquent le pardon d'Allah en sa faveur, jusqu'aux poissons dans l'eau. Et certes, le mérite du savant sur le dévot, celui qui fait beaucoup d'adoration, est semblable au mérite de la lune sur l'ensemble des étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les prophètes n'ont légué ni pièce d'or ni pièce d'argent, mais ils ont légué la science. Celui donc qui l'acquiert aura pris une partie très abondante. Dans ce hadith, il y a beaucoup de mérite et d'encouragement à la recherche de la science. Premièrement, si tu recherches la science, Allah va te frayer un chemin vers le paradis. En étudiant, tu vas connaître le bien du mal. Tu vas faire le bien et délaisser le mal. En étudiant, lorsque tu feras une faute, tu t'en rendras compte. Ça te fera le rappel, tu te repentiras. Tu vas donc adorer Allah Azza wa Jal de la meilleure manière. Et tu vas t'améliorer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Deuxièmement, les anges témoignent leur agrément et leur satisfaction face à ce qu'entreprend celui qui recherche la science. Et ils abaissent leurs ailes pour témoigner de cela. Troisièmement, la demande de pardon des créatures d'Allah jusqu'aux poissons dans l'eau en faveur de celui qui recherche la science. En faveur de celui qui recherche la science. La personne de science ou celui qui recherche la science n'est pas infaillible, il n'est pas prophète, il n'est pas ange. Naam. Mais c'est un serviteur d'Allah. Et comme les autres, il peut tomber dans la faute et le péché. Si ce n'est qu'il se rappelle et revient vers Allah Azzawajal, s'améliore et se corrige. Un autre mérite, c'est que le savant est supérieur et meilleur au dévot, à l'adorateur, qui n'a pas cette même connaissance. Tout comme la lune se distingue des autres étoiles. Tout comme la lune se distingue des autres étoiles. Et les savants nous disent que le savant a une similitude avec les étoiles de trois points de vue, au minimum. Premièrement, Allah embellit le ciel de ce bas monde par la présence des étoiles. Et Allah a embelli ce bas monde par la présence des savants. Deuxièmement, par les étoiles en mer, on se dirige et on trouve notre chemin. Dans ce bas monde, par les savants, on se dirige et on nous montre le bon chemin. Enfin, les étoiles dites filantes poursuivent les shayatines qui tentent d'écouter les informations des cieux. De la même manière, les savants préservent la religion d'Allah Azzawajal et réfutent et rendent poussière les ambiguïtés des gens du faux. On nous dit ensuite que la science est l'héritage des prophètes. L'héritage des prophètes. Car les prophètes n'ont légué ni pièce d'or ni pièce d'argent, mais ils ont légué la science. Celui donc qui prend la science aura pris une énorme part. Abu Hurayra radiallahu anhu un jour s'est rendu au marché et a vu les commerçants. Et il leur a dit, malheur à vous. Vous êtes ici alors que l'héritage du prophète alayhi salatu wa salam est en train d'être partagé à la mosquée. Ils ont délaissé leur stand, se sont rendus à la mosquée et sont revenus voir Abu Huraira et lui ont dit, nous n'avons pas trouvé ce que tu as mentionné. Il leur a dit, et qu'avez-vous donc trouvé? Ils ont répondu, des assises de science, de rappel. Naam, lui dans une assise enseigne le fiqh, l'autre le Mada, l'autre le tafsir du Coran, et ainsi de suite. Il leur a dit, malheur à vous, ceci est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans aucun doute, si on avait eu connaissance d'un grand héritage, où qu'il soit au monde, on aurait fait toutes les causes, Naam, pour l'atteindre et essayer de prendre la plus grosse part. Certaines familles se divisent à cause de ces héritages. Certaines familles s'entretuent même et se combattent à la recherche de cet héritage. Certains même assassinent pour pouvoir obtenir l'héritage. D'autres volent et trahissent pour pouvoir obtenir cette part de ce bas monde. Là, tu as un héritage où il n'y a pas besoin de ce combat, où il n'y a pas besoin de s'attirer les foudres de ses concurrents. Non, un héritage, plus tu en prends, naam, moins tu es pour les gens de la dunya une concurrence. Cet héritage, c'est la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette science ne vient pas ainsi. Il faut faire les causes. Il faut l'apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, innama al-ilmu bit-ta'allum. La science ne vient qu'avec l'apprentissage. Wal fiqhu bit-tafaqquh. Naam. Donc, il faut faire les causes. Il faut aller frapper aux bonnes portes. Il faut fréquenter les gens qui aiment la science. Il faut fréquenter les gens qui aiment la science, qui parlent de science. Et dans ce bas monde, il n'y a pas une chose meilleure, na'am, que la science et la connaissance. Il n'y a pas de meilleures assises que les assises de science et de transmission de connaissances. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans Sahih Muslim: Wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu baynahum illa haffathumul malaika wa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dhakarahumullahu fi man 'indah wa man batta'a bi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh. Il n'y a pas un groupe qui prenne place dans une des demeures d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, afin de lire le livre d'Allah et de l'étudier entre eux, sans que les anges ne les couvrent de leurs ailes, que la sérénité ne descende sur eux et que la miséricorde ne les enveloppe, et qu'Allah les mentionne auprès de ceux qui sont auprès de lui. Et quiconque prend du retard dans les bonnes œuvres, sa lignée ne le fera pas rattraper ce retard. Dans ce hadith, on a la réponse à ceux qui disent: vous êtes dans la recherche de la science, vous êtes dans les assises de science, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Et ça n'est pas ce qui me fera gagner, ça n'est pas ce qui est ce qui. Qu'est-ce que ça nous apporte? Le prophète alayhi salatu wassalam te dit que les anges te couvrent, la sérénité et la quiétude descend, la pitié t'enveloppe, la miséricorde, Allah Azza wa Jal te mentionne, il fait tes éloges. Une seule de ces caractéristiques est meilleure que ce bas monde. Tout ce qui est fait ici montre l'agrément d'Allah de son serviteur. Et il n'y a pas plus grand que l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Celui qui recherche la science peut avoir par moments des moments de, parfois des moments de lassitude. Et celui qui ne connaissait pas la science peut avoir de la distraction et ne pas savoir le mérite de la science. C'est pour cela qu'on mentionne ces textes, afin que notre détermination naissent afin qu'elles puissent croître et rester constantes. Car il y a deux catégories. Celle qui n'a pas goûté à la science et l'observe de loin, et celle qui a goûté à la science mais qui a affaibli par la suite à abandonner. Le remède à tout cela est de lire les textes, les méditer. Quels textes? Les textes sur le mérite de la science et la grande valeur des savants. Et le prophète alayhi salatu wassalam aimait ceux qui recherchaient la science et leur souhaitait la bienvenue. Dans le hadith de Safwan radiyallahu anhu, il nous dit: ataytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fil masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar fa qultu ya rasulallah inni ji'tu atlubu al-'ilm. فقال مرحبا بطالب العلم. Sa foi nous dit qu'il est venu, il s'est rendu auprès du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était appuyé sur un vêtement rouge lui appartenant. Je lui ai donc dit: ô messager d'Allah, je suis venu à toi pour rechercher la science. Il m'a alors dit: bienvenue à celui qui recherche la science. Certes, celui qui recherche la science, les anges le couvrent de leurs ailes, puis ils se superposent les uns les autres jusqu'à atteindre le ciel de ce bas monde, devant l'amour de ceux qu'ils recherchent. Devant l'amour de ceux qu'ils recherchent. Allahu Akbar. Nous sommes tous dans ce bas monde afin de construire notre au-delà. Et ça n'est qu'un couloir, un lieu de passage. Et tout ce que tu as dans ce bas-monde, tu seras amené à le laisser. Puis tu seras jugé et tu verras les provisions que tu avais amassées et préparées. Et rien après ta mort ne pourra être ajouté si ce n'est trois choses que tu avais de ton vivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la science est une hasanat qui perdure et continue même après la mort du serviteur. Dans le hadith de Anas, il nous cite sept choses dont les hasanat restent après la mort du défunt, du serviteur. Et la première chose qu'il nous cite, min ilmin, ou plutôt man allama ilman, celui qui a enseigné une science. Tout ce que les gens vont tirer comme connaissance de ta part, tout ce qu'ils vont faire comme bonne action par ta cause, ben après ta mort, tu en auras les hasanat. Après ta mort, tu en auras les récompenses. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite trois choses, c'est-à-dire dont les hasanat ne cessent de s'accroître même après la mort du serviteur. Et ilmin nasharahu, une science qu'il a propagée de son vivant. Awaladin salihin taraka, un enfant pieux qu'il a laissé. Un enfant pieux qu'il a laissé. Et dans le hadith connu, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Lorsque le fils d'Adam décède, toutes ses œuvres s'arrêtent sauf trois. Une aumône qui perdure, une science dont continue à tirer profit, un enfant pieux qui invoque en sa faveur. Rapporté par l'imam muslim, sur Abi Hurayrata radiallahu anhu. C'est la meilleure chose que tu puisses laisser après ta mort. C'est la meilleure chose que tu puisses laisser après ta mort. Et que de savants ont transmis le savoir et la connaissance. Jusqu'aujourd'hui, on les mentionne, on invoque Allah en leur faveur, on les aime, on fait dua pour eux. On fait dua pour eux. Et celui qui a la plus grande récompense dans cela est le prophète, alayhi salat wa salam. Pourquoi? Car من علم علما فله اجر من عمل به. Car le prophète sallam a dit que celui qui enseigne une science a la récompense de ceux qui œuvrent avec. Il nous dit ad-dalu ila al-khayr ka fa'ili, celui qui montre le bon chemin est semblable à celui qui l'emprunte, qui applique. Tout cela nous montre que la science est tellement béni que ses récompenses perdurent même après la mort du serviteur. Certains parmi les pieux prédécesseurs voyageaient. Ils voyageaient comme chez Sahaba, un mois pour prendre un hadith entendu du prophète alayhi salat wa salam, puis il revenait. Et par moment, on n'a pas besoin de, ou plutôt il n'y a pas le caractère indispensable du voyage, car la science est à portée de main ou proche de chez nous dans les assises de science. Abu Umama radiallahu anhu mentionne un hadith du prophète alayhi salat wa salam qui dit man rada ila al masjid la yuridu illa yata'allama khayran aw yu'allima kana lahu ka ajri hajjin tamman hajjatu. Celui qui sort à la mosquée ne voulant par cela qu'apprendre une science ou enseigner une science aura, yani sera semblable ou obtiendra ce qui est semblable au pèlerinage complètement accompli. Et au pèlerinage accompli, yani parfaitement. Et tout le monde connaît la récompense ou les énormes récompenses du pèlerinage. Celui qui sort à la recherche de la science, il est sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la recherche de la science peut être dans la lecture, la mémorisation, la méditation, peut être dans le voyage et de différentes manières encore. Quant à la mémorisation et toutes les autres étapes, sachez qu'il y a la grande récompense. Pour la mémorisation, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu nous dit: j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: نَضَّرَ اللَّهُ مْرَأَنْ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعَ. L'imam al-Tirmidhi et autres nous mentionnent le hadith d'Abdullah ibn Saoud radiallahu anhu. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah illumine le serviteur qui entend de nous une chose, puis la transmet comme il l'a entendue. Car il se peut que celui à qui on transmet la science la retienne mieux que celui qui l'avait entendue, ou la comprenne mieux que celui qui l'avait entendue. Il y a ici le grand mérite de mémoriser la science et de transmettre cette science. Donc l'apprentissage de la science est une cause de beauté, c'est une cause d'embellissement, c'est une cause d'apaisement. Et dans l'autre version, نظر الله وجه امرئ, qu'Allah illumine le visage du serviteur qui a entendu le hadith et l'a transmis comme il l'a entendu. Particulièrement à cette époque où les gens dépensent de fortes sommes pour faire attention à leur visage. Non pas que de faire attention à son visage est blâmable, mais de faire attention à son visage au point d'en devenir distrait de son utilité, au point de ne pas le sauver, ce visage, du feu de l'enfer en commettant des péchés. Na'am. Et au point d'utiliser ce qui est haram pour s'embellir. Na'am. Et au point de ne pas s'embellir pour l'époux, mais pour les gens de l'extérieur. Et ainsi de suite, cette personne-là s'est égarée. En plus d'avoir dépensé une fortune, elle a amassé des péchés gigantesques. Et on a là ici un chemin. Et on a là ici un chemin de l'embellissement. C'est l'étude de la science. Et cette lumière qu'Allah Azza wa Jal met sur le visage des savants, des gens de science. Un jour, Muawiya radiallahu anhu est sorti et a vu ses compagnons réunis à la mosquée, ou un autre compagnon. Il leur a dit: ma ajlasakum, pourquoi êtes-vous assis? Ils ont répondu: jalasna adhkurullah wa mamanna alayna min ni'mati al-islam. Ils ont répondu: nous sommes assis pour mentionner Allah, nous rappeler notre Seigneur et la grande grâce qu'il nous a fait en nous guidant à l'islam. Et ils ont mentionné des bienfaits d'Allah. Ils font des causes d'augmentation de la foi. Il leur a dit: Allahumma ajlasakum illa hada. Vous me jurez par Allah que rien ne vous a réuni dans cette assise si ce n'est cela. Ils ont répondu: par Allah, rien ne nous a réunis si ce n'est cela. Il leur a dit: Amma ana, lama sahlifkum tuhmatan lakum. Sachez que je ne vous ai pas fait jurer car j'avais des doutes sur vous. Mais un jour, alors que nous étions assis de manière semblable à l'époque des compagnons, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers nous et nous a demandé ce qui nous a fait nous asseoir. On lui a répondu ce que vous avez répondu. Il nous a fait jurer, on a juré, il nous a dit ce que je vous ai dit. Puis, il nous a dit: Certes, Jibril m'est venu et m'a informé, فأخبرني بأن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. Il m'a informé qu'Allah se vante de vous auprès des anges. Allah Azza wa Jal se vante des sahaba qui sont assis dans l'assise de science à se rappeler les bienfaits d'Allah. Il se vante auprès de ses anges rapprochés. L'assise de science regorge de mérites, de faveurs toutes plus grandes les unes que les autres. Et celui qui mémorise ou celui qui lit un verset du Coran, c'est meilleur pour lui que d'avoir les richesses les plus prisées. Les richesses les plus prisées chez les Arabes étaient les chamelles rousses. Et le Prophète nous dit de sortir, d'aller apprendre, est meilleur que cela. Deux versets meilleurs que deux chamelles et quatre versets meilleurs que quatre chamelles et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jal nous a orientés à la noblesse et à la considération des gens considérables. Et les gens les plus considérables sont les savants. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit alors « Inna min ijlalillah ikrama di shaybatil muslim wa hamilil quran ghayri ghalifi wal aljafi an wa ikrama di sultanil muqsit » Imam Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, nous mentionne ce grand hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit « Fait partie du respect d'Allah que d'honorer le musulman qui a atteint un âge avancé. Celui qui mémorise le Coran sans exagérer dedans, ni avoir du laxisme à son égard. Et le fait d'honorer celui qui détient le pouvoir. » Et dans l'autre hadith, ne fait pas partie des nôtres celui qui n'honore pas le détenteur de la science. Et le prophète sallam nous dit wal barakatu ma'a akabirikum. Et la bénédiction est avec vos grands. La bénédiction est avec vos grands. À leur tête, les grands savants. Donc de reconnaître le droit des savants, de les considérer, de les honorer, n'am fait partie du respect d'Allah Azza wa Jal. Fait partie du respect d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et dans l'au-delà se manifestera cette distinction entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'on dira à l'adepte du Coran, lis et élève-toi, psalmodie, comme tu le faisais dans ce bas monde. Ta place au paradis sera au dernier verset que tu auras récité. Donc les gens de science, les gens du Coran, seront élevés dans les hauts degrés. Quant à ceux qui apprennent la science afin de les concurrencer et de se faire passer pour eux, le prophète sallam nous dit, il est dans le feu. Man talaba al-ilm liyubahi bihi al-ulama wa yumari bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuh an-nas ilay fa huwa fi an-nar. Celui qui apprend la science pour se faire passer pour un savant, les concurrencer de la mauvaise façon, pour abaisser les autres, pour que les visages se tournent exclusivement vers eux, attirer l'attention, être sous les projecteurs. Le prophète sallam nous dit, il est dans le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il est dans le feu. Donc tous ces textes, na'am, tous ces textes nous encouragent à la recherche de la science. Tous ces textes nous encouragent à la recherche de la science. Les chemins du bien sont multiples. Les chemins du bien sont multiples. Mais le meilleur chemin, c'est le chemin de la science. Car tous ceux à qui tu transmettras la science, et tous ceux qui appliqueront ce que tu auras dispensé comme savoir, tu auras, en plus de tes propres récompenses, la récompense de tous ces gens-là. Imagine une personne qui a mémorisé surat al-Fatiha et adore Allah Azza wa Jal avec. Puis l'a enseigné à deux personnes. Ces deux personnes l'ont enseigné à cinq personnes. Ces cinq personnes l'ont enseigné à 10 personnes. Et ainsi de suite. Combien de milliers et de milliers de hasanat ce serviteur obtiendra-t-il? C'est pour cela qu'il faut développer la détermination. Combien d'années sommes-nous restés dans l'ignorance? Combien d'années sommes-nous restés dans l'ignorance? Le temps n'est-il pas venu de rechercher la science? Le temps n'est-il pas venu de demander ce qu'il faut apprendre, où apprendre et comment l'apprendre? Quant à ce qu'il faut apprendre en premier lieu, c'est ce qui t'est obligatoire de connaître pour adorer Allah Azza wa Jal au quotidien. D'apprendre ce qu'il t'est obligatoire de savoir pour adorer Allah au quotidien. À savoir la connaissance d'Allah comme étant le Seigneur immense, ayant la perfection absolue dans ses noms et ses attributs, et donc le seul digne d'être adoré. Tu dois apprendre cela. Tu dois apprendre la connaissance d'Allah, le tawhid. Deuxièmement, tu dois apprendre qui est ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui t'a été envoyé pour te montrer le bon chemin. Troisièmement, tu dois apprendre le chemin te menant à tout cela, c'est l'islam. Tu dois apprendre les piliers de l'islam, les piliers de la foi. Tout cela, tu dois l'apprendre. Ensuite, tu dois apprendre la prière, ses conditions, ses piliers, ses annulatifs, ses obligations. Car tu dois accomplir la prière quotidiennement. Si tu as des biens, tu dois apprendre la zakat. Puis tu dois apprendre les règles du jeûne, les règles du pèlerinage. Puis chacun doit apprendre selon sa situation particulière. Si c'est un commerçant, il doit apprendre les règles du commerce. Et ainsi de suite. Où est-ce que tu dois apprendre? Tu dois apprendre chez les gens de la sunna, ayant le savoir. Tu dois apprendre chez les gens de la sunna ayant le savoir. Comment est-ce que tu dois apprendre? Cela dépend de l'endroit dans lequel tu te trouves, l'endroit dans lequel tu peux aller, auprès de qui yani, tu as la capacité, et ainsi de suite. Si, proche de chez toi, il y a une mosquée avec des gens de science sur la sunna, tu vas, tu te renseignes et tu apprends. Tu dois apprendre la langue arabe. Tu dois apprendre le tajwid pour correctement lire le Coran et prier. Tu dois apprendre surtout l'aqidat sahiha, la bonne croyance, le tawhid. Na'am. Et les autres sciences qui sont légiférées. Et comme je le disais, la manière va dépendre de l'endroit dans lequel tu te trouves. Certains, Allah Azza wa Jal leur a facilité, il y a près d'eux, les savants. Et c'est la base. La base est que la science se prend auprès des savants. Dans le cas contraire de leurs étudiants. Dans le cas contraire des étudiants, et ainsi de suite. Mais, je répète et j'insiste, auprès des gens de la sunna. Ceux qui suivent et se sont réunis sur le Coran et la sunna. Ceux qui comprennent les textes comme l'ont compris les sahaba, radiallahu anhum. Et la personne doit savoir que la guide à la science est un don d'Allah, une grâce et une faveur de sa part. Il faut donc invoquer Allah Azza wa Jal et lui demander l'aide et l'assistance. Il faut donc invoquer Allah Azza wa Jal et lui demander l'aide et l'assistance. Allah Azza wa Jal nous dit وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Ad-du'a ou huwa al-ibada. » Ad-du'a, c'est cela qui est l'adoration. C'est cela qui est l'adoration. Aussi, celui qui espère obtenir la science doit prendre des provisions. Il doit prendre des provisions. La première, c'est l'ikhlas. C'est la sincérité. Celui qui recherche la science et n'a pas la sincérité, il n'obtiendra que la fatigue et l'abandon. Il faut al-sidq, la véracité, décharger son cœur et le détourner de toute autre préoccupation. Il faut al-himmatul aliya, il faut la haute détermination. Il faut la haute détermination. Celui qui veut la science sans se fatiguer ne pourra l'obtenir. Celui qui veut la science sans se fatiguer ne pourra l'obtenir. Pour 5 versets, lisez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu comme épreuve. Naam, pour les 5 premiers versets, lisez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu comme épreuve de par la venue de Jibril alayhi salam. Subhanallah. Il s'est saisi de lui, lacéré d'une étreinte telle qu'il a eu peur pour sa vie. Et cela s'est reproduit à 3 reprises. Mais aujourd'hui, ou de nos jours, les gens veulent avoir la science sans faire aucun effort. Même se connecter pour suivre un cours en ligne, avec du sérieux, en révisant et en mettant en propre, est devenu pour certains lourd, car ils veulent être assistés, et ils veulent choisir même la température dans laquelle ils veulent étudier. Ils veulent tout recevoir servi sur un plateau. Est-ce que les compagnons et leurs successeurs ont atteint la science dans ce confort? Si tu as le confort, c'est un bienfait d'Allah. Mais dans le cas contraire, il faut se montrer endurant. Une autre provision de la science, c'est l'endurance. Car la science, c'est vaste et c'est lourd. Il faut donc donner la vie et le temps dans sa recherche. Et laissez-moi vous raconter l'histoire de Abu Hatim al-Razi rahimahullah ta'ala, que raconte Cheikh Abdullah al-Bukhari, un savant de Médine, hafizahullah ta'ala. Son fils Abdurrahman ibn Abi Hatim rapporte: j'ai entendu mon père Abu Hatim al-Razi dire: la première fois que j'ai voyagé à la recherche de la science du hadith, cela m'a pris 7 ans de voyage. 7 ans de voyage. La première fois, il a voyagé 7 ans à la recherche de la science et du hadith. J'ai compté tout ce que j'ai marché à pied, plus de 1000 farsakh. Il y a environ 4500 kilomètres à pied. 1500 heures environ à pied. Quant au nombre de fois où j'ai marché de l'Koufa jusqu'à Bagdad, je ne peux le dénombrer, dû aux nombreuses fois où je l'ai fait. De Mecca à Médine, pareillement un grand nombre de fois. Ce chemin qu'on fait pour la Umrah ou pour le Hajj, en général, eux, yani lui, il a fait à pied plusieurs fois. Dans la ville de Salé, au Maghreb, jusqu'au Bahreïn, puis en Égypte, tout cela à pied. D'Égypte jusqu'à Ramla, en Palestine, à pied. De Ramla jusqu'à Beit el-Maqdis, à Jérusalem, à pied. De Ramla à Asqalan, à pied. Jusqu'à Tibériade. Puis jusqu'à Damas. Puis jusqu'à Homs. Tout cela à pied. Jusqu'à Antioche, en Turquie, à pied. Jusqu'à Tars, pareillement en Turquie, à pied. Puis le retour à Homs, à pied. Pourquoi? Parce qu'il restait des hadiths de Abu Yaman qu'il n'avait pas entendu lors de son premier passage. Alors il est retourné à pied dans sa ville pour prendre ce qui lui restait du hadith avant de partir à nouveau. Puis de Homs jusqu'à Baysan en Palestine. Puis jusqu'à Raqqa en Syrie. Tout cela à pied à la recherche du hadith et de la science. De là, il a pris l'Euphrate en direction de Bagdad. Bagdad, à l'époque, était une civilisation de science renommée où on voyageait du monde entier à la recherche des plus grands savants. Avant de prendre la direction du Cham pour partir à Ouas, en Irak, puis il a emprunté le Nil jusqu'à Al-Koufa. Tout ceci a pillé lors de mon premier voyage pour la science. Écoutez bien, j'étais alors âgé de 20 ans. J'étais alors âgé de 20 ans. Rahimahullah. 7 ans à parcourir, à sillonner la terre d'Allah Azza wa Jal à la recherche de la science. Il dit, je suis sorti de Ray. Ray, c'est en Iran, cette ville. En l'an 213, pour aller à Koufa durant le mois de Ramadan de cette année-là. Et El-Mukri'u vivait à cette époque à la Mecque. Et l'information de sa mort nous est parvenue alors que nous étions à Koufa. Alors je suis rentré à Ray en l'an 221. De 213 à l'an 221. C'est son premier voyage à la recherche de la science. Le deuxième voyage, en l'an 242, il est sorti de chez lui. En l'an 245, il est rentré. J'ai donc mis 3 ans. Il dit, j'ai donc mis 3 ans. Cheikh Abdallah al-Bukhari commente et dit, par Allah, est-ce que tes oreilles ont déjà entendu pareille histoire auparavant? Regardez ces imams. Ceux qui ont mérité ce haut rang de guidé ou de guide. Vois-tu cette science que tu acquiers, pour laquelle tu t'assois et tu t'adosses, tu bois et tu manges? Cela ne t'est pas parvenu comme cela. Mais qu'après que tes pieds se soient usés et que des vies périrent dans sa recherche, ils ont enregistré et sauvegardé cette science, puis l'ont consigné par écrit sur des lignes grandioses qui préservent et protègent la science pour enfin te parvenir de manière intacte, comme si tout cela avait été écrit hier. Et je remercie ceux qui m'ont aidé pour la traduction. Jazakumullahu khayra. Les textes et les histoires sont très nombreuses. On s'arrête sur cela et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans la recherche de la science et dans son application. Incha'Allah ta'ala, la rentrée des cours de notre institut, les sentiers des apprenants, a été décalée et initialement elle devait avoir lieu la semaine du 10 octobre, mais elle aura lieu la semaine du 24 Inch'Allah Ta'ala. Et pour pallier aux difficultés d'acquisition de science, les sites en ligne ont vu le jour, dont celui-ci. Les moyens d'apprentissage en ligne ont vu le jour, dont celui-ci, les sentiers des apprenants. Donc soyez les bienvenus. Jazakumullahu khayran. Waffaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda.